كريم جتياح شاب كيمو أمان أمان أمان يرتف مني وتولي لي يا عمري وعيني بلا بيها كرهت أنا الدنيا مين مشات خلتني وحدني حرام عليها أنا تنسالي أحرالي اخبارها حسيت بالله غلط فيا صبت يضع كل شيء يا كريم شتى لست بك معا فاشي بزمان تطوى لست بك معا دواليك كجدا لست بك معا فاشي بزمان تطوى C'est mieux, je dors pas bien sans toi à mes côtés. Minuit sans froid, ton absence m'inquiète pour respirer. Je ressens les courants devant me rappeler que tu vas partir. Et que dans quelques heures, je n'aurai que tes photos pour souvenir. Pour me rappeler que tu vas revenir. Et lever du soleil prochain pour me faire ces baisers. Dont t'es la seule à voir le secret femme. C'est elle qui me manque quand tu me vois tout seul assis. Chauffons mes libérides, comment elle s'éloigne. Me faisons un geste pour que je garde l'espoir. Lorsque t'es là près de moi, wow. Biba, lorsque je te serre dans mes bras, à toi Kimo, reste avec moi, car j'ai besoin de toi. Reste avec moi, toi y'a les que j'adore. Reste avec moi, car j'ai besoin de toi. Reste avec moi, toi y'a les que j'adore. Tu peux pas mourir, pas me quitter, Biba. J'ai besoin de toi avec Odé. Reste avec moi, car j'ai besoin de toi. Reste avec moi, toi elle est que j'adore. Reste avec moi, car j'ai besoin de toi. Reste avec moi, toi et les plus adorables.